connais le tarif 1, rap crapule le parisien. C'est pas tout, j'ai faim, donc j'arrache tout et fin. Pas d'inquiétude, ils seront battus. Vive la chacalatitude, ouais. Tu connais le tarif 1, rap crapule le parisien. Et c'est pas tout, j'ai faim, donc j'arrache tout et fin. Y'a ma médisozo, heps, ils font des va-et-vient. Et ça passe pas avec les ch'tarpes, et j'dirais que c'est comme chat et chien. Eh gros, c'est sale ici, ça se trahit pour le râle ici. Les petits rêves des bites de la C, comme les grands, ils cannent aussi. Et tout va tellement vite, un peu d'argent, un peu de pouvoir, et tout le monde t'envie. Et c'est comme ça, mon pote, on préfère que tu sois en loup. Crois en ce que tu dis avant de dire que tu crois en nous. C'est plus la loi de la jungle, c'est celle de celui qui a palpé. Donc l'autre, il suce des longues bites pour toucher le truc à bas prix. Et tout va tellement vite, les petits de mes petits marchent avec des plus grands quoi, mais je suis perdu. Car tout va tellement vite, en gros, en deux minutes, tu passes de l'invite au VIP. Mettez vos ceintures parce que je vais tartiner. Tu connais Joe le phénom, lui il fait pas de ciné. Je faisais déjà du sol quand y'avait pas le micro. L'époque où t'as vu devant, j'avais pas de Chico. Mais je suis toujours là, et j'ai préparé du bon son pour vous là. Pas d'inquiétude, ils seront battus. Vive la chacalatitude. Eh ouais, mon pote dans le rap pur et qui m'étonne. Entre les sus-buzz et les bons gars qui déconnent. Entre ceux qui donnent de la force depuis tout jeune, mais qui t'oublient une fois qu'ils pètent une somme. Et puis je rigole parfois quand je pense à des traites, parce que je sais qu'ils pensent à moi dans leur tête. Mais bon, tu sais, j'ai ma base, donc faut que le reste elle est chaque. S'identifie à mes textes. Et puis tout ça, moi ça me fait chaud au cœur. La dernière fois, une daronne m'a dit Joe, t'es comme un moteur. Le quartier il a changé, ça me fait trop peur. Et ça va le faire, coûte que coûte, on fera pas les gros cœurs. Il paraît que je suis leur ennemi, ils veulent manger sans nous. Mais crois-moi que ça va pas durer. Trop nombreux qui font de la comédie dans ce putain de rap de merde. Là j'ai saturé. Mettez vos ceintures parce que je vais tartiner. Tu connais Joe le phénom, lui il fait pas de ciné. Je faisais déjà du sale quand y'avait pas le micro. L'époque où t'as vu devant, j'avais pas de Chico. Mais je suis toujours là, et j'ai préparé du bon son pour vous là. Pas d'inquiétude, ils seront battus. Vive la chacalatitude. Mettez vos ceintures parce que je vais tartiner. Tu connais Joe le phénom, lui il fait pas de ciné. Je faisais déjà du sale quand y'avait pas le micro. L'époque où t'as vu devant, j'avais pas de Chico. Mais je suis toujours là, et j'ai préparé du bon son pour vous là. Pas d'inquiétude, ils seront battus. Vive la chacalatitude. Vive la chacalatitude. Vive la chacalatitude.